savent cacher. Tout sentiment qui en moi qu'a gâché vie en moi. Et mon t'écouer l'amour pour où t'es doit être savé. Que vete loin.